Nous sommes accroupis au pied d'un arbre foudroyé. Nous échangeons des regards qui trahissent notre nervosité. L'inquiétude nous hante. L'odeur de mort nous entoure. Dans les hauteurs de la Voïvodie, au tréfonds de cette forêt immémoriale, de funestes engeances rôdent. Tapis dans les broussailles. Suzette tient une sorte de bouclier improvisé avec une plaque de tôle et une corde tendue, car d'où Chani vomit des flammes. Oleg tient son vieux fusil, puisque pareil au vent, d'où Chani est insaisissable. Mauve tient son exemplaire de l'Apocalypse, car d'où Chani est le messager des enfers. Polia tient fermement son ciseau à bois, puisqu'il faudra pour en finir trancher la gorge de Douchani. C'est la presque nuit. La lune n'est pas encore pleine et du sang frais macule les lichens. Cette nuit, plutôt que Piotr, le cueilleur d'arbres, c'est le Douchani. À coup sûr, qui sera au rendez-vous. Nous autres. Je sais pas s'il viendra. Pépé Piotr. Ouais, j'ai tout froid. Alors, même si on a. Un peu de lait d'écureuil. Noisette, j'allais dire du lait d'écureuil pour se réchauffer. C'est bon. Il fait froid quand même là-haut, sur le brunet. Et puis il y a tous ces insectes qui piquent, qui croulent. Je t'explique. Je sais pas si. Si je serai à la hauteur. Alors j'ai bien ramené. Le couteau à bois que l'oncle m'a donné, j'ai la mincère fouette, tous mes outils. Mais je sais pas si je serai à hauteur de la tâche. Je sais pas si le pépé il voudra de moi ou si j'aurai pas l'œil et qu'il me faudra retourner dans la vallée. Puis vous me manquerez tous. Hein. Si je dois rester tout le temps ici, là, là qu'il pleut maintenant, ça va pas nous réchauffer tout ça. Pour sûr, vous me manquerez, hein. Ces bruits tout autour, ça vous fait pas peur, vous? Non, hein? J'ai mon fusil. Ton fusil? Ouais. Ouais, mais ton fusil en douche à mie, je pense pas que ça fasse le poids. Hein. Hein, qu'est-ce que t'en dis, toi? Ah, ma soeur. Moi, ça me fait pas peur. Ah, tu... S'il y a quelque chose, tu nous protégeras. Hein. Oui. À la grande soeur. Oui. Moi, j'ai un fusil pour me protéger. C'est quoi ça, ce... C'était pas un loup ? Non, c'est un chien d'un... de quelqu'un. Je sais, il y en a, ils disent je suis pétochard, mais c'est pas moi, je suis pas pétochard, c'est... Ça fait peur ici, dans la montagne, non ? J'ai un peu froid. Ça réchauffe, c'est comme le souvenir. Je me souviens que le petit, il avançait tout courbé comme ça. Et puis il expliquait au Léo comment il fallait tailler sa planche dans la souche. Lui, il sait des choses, moi je sais rien, je sais pas si je serai à la hauteur. Tu crois que je serai à la hauteur, grande sœur? Oui, oui. Il voudra de moi? Oui. Je suis sûr qu'il voudra de toi. Tu dis pas ça parce que tu veux te débarrasser de moi, hein? Non. Ça c'était un chien ou c'était un... Un chien. Un loup? Un chien, je te dis. Peut-être qu'il y a des gens, des gantos ici. Je sais pas moi. Un grand soeur, il y a des gantos? Je saurais pas te dire. Toi tu sais plein de choses, tu sais s'il y a des gantos? Tu laisses l'orage parler pour toi, c'est ça? Hé, hey, mauve! On m'a volé ma voix! Il m'entend pas? Tu m'entends, toi, ma grande sœur? Non, parce que je sais pas s'il entendra ma voix, le vieux. Parce qu'on peut se faire voler sa voix, hein. Il y a plein de choses qui... étranges. Bizarre au ton qui est étrange qui se passe dans le Brunet, hein. Et hop! Vous trouvez pas que c'est bizarre que. Que. Colia, il parle pas? Peut-être qu'il est un peu stressé parce que. Il va aller voir le grand pépé. Non. Colia, pourquoi tu parles pas? Peut-être que tu l'entends pas à cause de l'orage. Bizarre, il parle toujours pas. Oh, mauve. Je sais pourquoi il parle pas. mauve. Mais c'est bizarre, presque tout le monde a pu savoir. D'un apprenti qui était revenu de la montagne. Il avait passé la serre et ben, on n'entendait plus parler de lui. Il a presque disparu au monde. Hé, grande sœur, tu m'oublieras pas? Hein, dis-moi, tu m'oublieras pas? Non. Et toi, Suzette, est-ce que tu parles? C'est mon ouïe qui a disparu. C'est mon ouïe qui a disparu ou c'est vous qui parlez pas? Vous vous moquez de moi? Non, c'est peut-être la malédiction de... du Bourinet et que ça annonce mon sort à moi, ce serait de revenir et d'être oublié de tous. Mais non. Ah, tu me rassures. Mais moi, j'y parle pas. Suzette, elle... Et elle parle pas. C'est vrai, d'habitude, tu parles plus, Suzette. Toi-même, tu m'as vanté... Et Colia, il parle même pas. Tu m'as vanté combien j'apprendrais des choses auprès du pépé. Mais là, t'es toute silencieuse, alors ça m'inquiète. J'ai besoin d'entendre le son de ta voix. Parce que ça me rassure d'entendre ta voix. Pour entendre ta voix, Suzette... Allez, sois gentil. Parce que là, dans le Brunet, bah, ça fait peur la nuit. Peut-être un bouchon d'oreille. Ah bah oui, j'avais un gros truc. Car c'est... J'ai un bout, je fais un bout. Car c'est Pépé Piotr qui nous a... Car c'est Pépé Piotr qui nous a tous missionnés pour cette quête. Nous ne devons perdre en aucun cas notre sérieux. Et les conversations que nous tenons là, plutôt que vous tenez là, Polia et... Ils sont intolérables. C'est une trahison même au principe que nous a enseigné Pépé Piotr. Mais je fais un gros boubou dans l'oreille, j'entendais plus rien. Et ben moi, Pépé Piotr, je lui fais pas trop confiance, mais bon, c'est pas grave. Pourquoi tu lui fais pas confiance à Pépé Piotr et que tu me dis d'y aller auprès de lui apprendre des choses? Voyons que disons que la majorité des personnes lui font confiance, mais c'est peut-être une fausse impression que j'ai sur lui. Et à quoi tient ta... Je sais pas. Qu'est-ce qui t'a dit à toi, Pépé Piotr, qui ferait douter de sa bonté? Il m'a rien dit de si bizarre que ça. C'est juste une impression. Dès que je le vois ou dès que je l'entends. Voilà, je l'ai vu, je me souviens, j'étais avec toi. Tu me donnais la main parce que je faisais l'andouille comme d'habitude. Tu me tenais la main fermement comme ça. Je me disais, arrête, écoute le monsieur. Et moi j'écoutais le monsieur. Et le monsieur il disait qu'il fallait écouter le silence des hommes et le chant du bois. J'ai retenu ça. Mais j'ai du mal à écouter le silence des hommes parce qu'on entend très fort le bois et puis tout ce qui bouge autour de nous. Et ça fait peur. T'as pas peur, toi? Non. Ça t'inquiète pas? Non, je te l'ai déjà dit. Que personne t'attaque, il ne faut pas que tu aies peur des autres. Tu crois? Oui. Ça marche, ça? Oui. Et comment on fait? Et puis Piotr ne serait pas fier de vous. Et puis Piotr. C'est le fils de Saint-Munier et vous trahissez sa parole. Car le Piotre m'a dit, m'a enseigné que la parole est un bien trop précieux pour être dispensée. Et que c'est au même titre que le mépris qu'il y en a des nécessiteux et bien. Mais tout cela est bien en vain. Bah moi, Pépé Piotr, je l'ai jamais vu. Tu l'as jamais vu, Pépé Piotr? Bah je m'en souviens plus. Si, il se tient comme ça. Ah ouais, c'est vrai, là, le tout tordu. Il est tout tordu comme les vieux arbres. Et puis il a la peau toute ridée comme l'écorce des arbres. Ouais. Et d'abord, il a une grande barbe. Bah non. Bah si, je connais pas de barbe. Tu te souviens s'il avait une barbe, Pépé Piotr? Non, je sais pas. Bah, moi, je me souviens qu'il avait une grosse barbe blanche. Et un chapeau. Alors, tu l'as vu? Ben moi, quand je l'ai vu à la belle saison, et ben il avait dû tailler sa barbe. D'accord. Là, on attend quelqu'un qui a pas de barbe. Si on voit quelqu'un avec une barbe, et ben c'est pas Pépé Piotr. Il faut se méfier. Alors, c'est peut-être Bouchané qui s'approche déguisé pour nous abuser. Hein? Mais Bouchané, il ressemble à quoi? On dit qu'il crache des flammes, hein, c'est ça que tu m'as dit, Sorette. Oui. C'est pour ça que t'as préparé ton bouclier? Oui. Et comment il va nous protéger des flammes, d'ailleurs? On se mettra derrière toi, comme ça, et puis tu tiendras ton bouclier, et les flammes, elles iront tout autour. Oui. Mais lui, il est trop grand pour tenir derrière toi, même si t'es une grande. Bah, il se met mécréant, blasphémateur. Bah, il tiendra le bouclier. Vous avez donc oublié tout ce que Pépé Piotr a dit? Il a dit avant tout que ce Dushani est un mécréant et un blasphémateur. Et vous le suivez dans le blasphème, et dans le mensonge, et dans la tromperie, et dans le vice, et dans la luxure, et dans la bêtise. J'ai pas compris. J'ai pas compris, monsieur le grand. Dushani est l'anti-Jésus cuit. Dushani se loge en vous, dans chacun de vos défauts. Dans chacun des défauts que compose cette maudite terre. Et il cherche à faire trembler les ziggourats. Il cherche à faire s'effondrer ce monde. Et vous l'aidez en parlant, en dispensant. Oui, oui, mais en tout cas, il me fait trembler, lui, mauve. Tiens, sans ma main, elle tremble. Il me fait peur. J'ai peur, moi aussi. J'ai peur, moi. Tu me protégeras s'il envoie des sorts, mauve. Et c'est un grand joli. Je n'envoie pas des sorts, mes créants. J'envoie seulement la foi. Seule barrière. Ça, c'est du chenu. C'était bouillant, là. Je rappelle, lorsque je prends la parole et que je ne parle pas de Piotr, je tire une pièce. J'ai obtenu face. Si j'avais obtenu pile, après l'orage, j'aurais aperçu Dushani derrière son épaule. Il est pas passé loin, l'orage. Oui. Il était juste derrière. Ouais, mais l'orage, bah, ça foudroie les arbres. Et les arbres, c'est le jardin de Piotr. Alors, l'orage, c'est un peu la manifestation des choses dont il parle. Le Dushani, le truc qui réveille les igouigouis et qui fait trembler les igouigouis. Enfin, mais... Avez-vous vraiment... aucune honte à dilapider ce que Pépé Piotr nous a fourni. Pépé Piotr a dit, comme son père, Saint Thomas avant lui. Car une fois que l'homme a festoyé du fruit pourri du démon, le démon a festoyé de l'homme. Et quel est ce fruit pourri? Quel est ce venin? Quel est ce venin auquel vous buvez? Ce venin. C'est la parole. Vous buvez toute votre parole, et en cela, vous amorcez le jeu. Vous dévoilez au démon, au Dushani, ce qu'il ne faut dévoiler. L'attente et le silence sont des règles d'or. Ben non, puisqu'on fait pas tonneau. Bah, Piotr, il parle, lui. Mais il chuchote, il fait attention, il ménage, il la forme. Et tu crois qu'on a du venin dans notre langue? Il faut que je me lave la langue. T'as quelque chose pour me laver la langue, sœurette? Silence! Toi, tu vas lui parler autrement. Vous souvenez-vous, enfin, de ce que j'ai dit. Vous souvenez-vous de la mémoire? Vous avez décidé de voler, de dilapider tout ce que Pépé Piotr nous a donné. Et toi, tu fais quoi depuis tout à l'heure? Tu parles? J'honore sa mémoire et je surveille. Je ne parle qu'en sa parole. Je ne suis que ses pas. Je ne parle que comme la Bible, la Sainte, me le dit. Et c'est quoi la différence? C'est que moi, j'honore Pépé Piotr et j'honore le chemin. Vous, vous égarez dans le venin faux du démon. Bien sûr, bien sûr. Laver ma langue du venin, hein. Comme ça, je dirais plus des salmigondis qui font peur aux igloués, promis. Et je respecterai comme ça la parole de Piotr, la parole que t'as donnée de Piotr. Mais pourquoi tu viens pas, Piotr? Tu sais, toi. Eh ben moi je pense que bébé Piotr il est en train d'arriver et qu'il va nous sauver. C'est l'heure normalement où qu'on dit la prière. C'est l'heure où il faut se recommander aux vieux et à l'esprit chaud, à tous ces trucs-là. Et tout le Saint-Frusquin. Peut-être. Oh, mémoire de bébé Piotr. Je vous lis une part de la Sainte Bible. Alors, en vérité, je vous le dis, l'homme a mérité tout ce que le démon lui a apporté, et ce n'est qu'en priant Dieu, en le craignant, et en faisant des sacrifices en son nom, pendant des générations et des générations, qu'il pourra espérer son pardon pour des siècles et des siècles. Car en vérité, je vous le dis, il peut être évité ce temps impie où ce sera la fin de l'homme avant que l'homme ne soit plus qu'une bête, non pas une bête du jardin d'Éden, innocente et offerte, mais une bête d'avant la création, une bête qui fera honte au Très-Haut. Il approche les feux là-haut sur la hauteur. Il s'approche. T'as toutes tes balles? Tu les as marqués avec la croix du vieux? Oui. Et tu les as recommandés à l'esprit chaud? Mauve, dis une prière. Il approche. Très bien. Et tout ceci, c'est en la mémoire de Pépé Piotr. le savait décidément. Que l'homme, encore, se rende dans les lieux rutilants et prospères, qui sont le véritable chancre de Babylone, les palais princiers et les harems chargés, et toutes les alcôves, très propres du pouvoir, de l'argent et du désir, car c'est là que se lave déjà la vermine qui prépare la chute à venir, cachée sous les apparats de l'or et de la chair. Qu'ils combattent cette vermine, qu'ils déchoient ces lieux, ou qu'ils y replacent les bêtes et les plantes qui répondent au vrai nom de Dieu. Le juste suivra les ordres venus du Très-Haut. Et ce juste, je vous le dis, car le temps des hommes finira autrement. Ce juste a pour nom Oleg. Oleg, prends ton arme et chasse l'impie. Prends ton arme et chasse le démon. Prends ton arme et conquiert à nouveau la terre au nom de ces croisades du temps jadis. Le dogme l'impose, le dogme le veut. Il est parti de quel côté, ton monstre? Il est là-bas, vise bien. Je me souviens de l'Oleg qui tambourine à la porte de la maison. Tu t'en souviens, hein, Sœurette? Oui. En pleine nuit, il avait la laine chargée par la sepsie, la maladie. Il était pas bien, son ton était génial. Il avait la tête couverte de sang et d'échymose. Il venait de se prendre une raclée par son père. Mais après, il a pris les fusils dans son fusil, le fusil du père, dans ses bras. Et il l'a bercé en disant des paroles de mort. Mais après, je me souviens pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, il a pris le fusil. Il a vu son père arriver. Il l'a caché d'abord dans son dos. Puis son père a vu le fusil qui était passé. Tu crois que j'ai pas vu mon fusil? Prends-moi ça! Puis, il a commencé à courir. Il s'est fait courser. Rends-moi ça, c'est à moi! Il a pris le fusil, il a essayé de tirer sur son père. Ça a frôlé la tête de son père. Il l'a tué. Et le père tombait. Il était puis, mort comme... Puis, l'enfant a couru. Il ne savait pas si le père était mort ou avait eu très peur. Alors c'est pas tous les jours qu'on voit une balle frôler sa tête ou toucher sa tête. Une pièce de Oleg tournoie dans les airs avant de tomber au sol. La ramasse, ses piles ou ses faces? Piles. C'est un vieux fusil. Un vieux fusil à deux coups. Comment se fait-il que le Douchani descende, fonde sur nous? Tes balles ne l'ont pas atteint? Tes balles n'ont pas percé ses chairs? Que s'est-il passé, Oleg? Il va être trop tard. Charge, recharge ton fusil! Vite, avant qu'il ne nous dévore! Mais pourquoi ça traverse pas ce cher? Suzette, Suzette, ton bouclier, il va être sur nous. Ton bouclier. Protège-nous, protège-nous. Il va nous cracher ses flammes. Je me souviens, Suzette. Je me souviens. Nous étions là. Les jambes ballantes, assis sur ce vieux pont qui domine cette partie de la vallée. Le pont du chemin de fer tout rouillé. On regardait les cailloux tomber. On essayait de faire des dessins. Je faisais des dessins, moi, dans l'eau. On regardait nos reflets troublés par les pierres en contrebas. Tout en bas. Et au-dessus de nous, il y avait un ciel dégagé, magnifique, du soleil comme la promesse qui nous fut faite de trouver la paix et l'harmonie auprès de Pépé, Pépé Pèlerin. Un ciel bleu, un azur magnifique. Je me souviens, c'est là où tu m'as donné mes premières pièces. Je me souviens qu'on a échangé ces pièces. C'était un moment riche et fort. Et après, je sais plus, Sorette, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je me souviens plus? C'est parce que je suis déjà mort, qu'on est déjà mort, que le Douchani nous a bouffé le cerveau. Pourquoi je me souviens plus? Dis-moi, Sorette, qu'est-ce qui s'est passé? Après t'avoir donné tes premières pièces, tu étais tout heureux. Tu avais dit, enfin, je vais pouvoir échanger tout ce qui me plaît avec ces quelques pièces. Des sucres d'orange, à s'en faire tomber les dents. Le dentophage, il n'aura pas vu autant de dents tomber dans son escarcelle, tellement je mangerais de sucre d'orge. Oh, merci, Sorette, merci. Et après, tu t'es lancé vers la sucrerie. J'ai trébuché sur le pont. C'est ça. Et tu m'as rattrapé. Oui. J'allais basculer dans le vide et toi, tu m'as rattrapé. T'es toujours là pour moi, Sorette. Moi aussi, je serai là pour toi. Protège-nous. Protège-nous, Doudou Chani. D'accord. Je me tiens contre toi, je tremble et tout autour ça vibre, la créature s'avance dans l'obscurité, on sent la terre, le sol, vibrer alors qu'elle a ouvert On sent tout autour de nous le sol vibrer, trembler à l'unisson de son cri. Sa gorge est toute grande déployée. On voit les tentacules autour de sa tête s'agiter dans l'air, formée comme une chevelure immense prise par le vent, un vent sonore qui nous assourdit et qui se jette sur nous, nous plaque les uns contre les autres. On peine à tenir debout, mais toi tu tiens bon. Tu as dans ta main ton bouclier de métal et tu le brandis. Tu t'attends à voir les flammes dont on t'a parlé, mais ce ne sont pas des flammes que crache la créature, non. Ça enfle. On entend bruire autour de nous les arbres. Les arbres semblent s'agiter, tressauter, vibrer à l'unisson de son cri silencieux. Il est tellement sonore qu'on ne l'entend pas. Ce ne sont pas nos oreilles qui l'entendent. C'est le gras de nos chairs qui vibre à l'unisson des arbres, qui épouse le chant des mycorhizes, le chant émis par les petits champignons qui poussent entre les radicelles de chaque arbre, qui sont leur voix, et qui reprennent le chant du Touchami. Il se tient, il semble immense devant nous, la gorge déployée et ses tentacules de cheveux flottant dans ce vent qui nous souffle, qui nous plaque au sol, dans l'humus, les broussailles, là où le sang plutôt maculait les lichens. Ça vibre, et pourtant, nous qui nous tenons derrière elle, on est comme au cœur de la tempête. On a un répit. Toi, tu sens contre ton bras toute la force de l'onde sonore qui vibre, qui se transmet à ton bras, à ton corps, mais tu tiens bon. Tu sais que tu dois tenir bon. Ça vibre toujours plus, mais ta plaque semble avoir dévié son onde et lui avoir renvoyé. Elle recule, la créature recule, titube, hurle des imprécations silencieuses qui ne viennent qu'enfler dans la masse sonore qui nous entoure, mais tu es toujours là, tenant ton bouclier. Avances-tu sur elle? Avance. Je sais à quoi user mon vieux couteau à bois. Ok. Avance. Ok. Je lui arracherai le cœur. Ok. Oui, je vais devoir... J'ai ta voix. Oui. La tienne est perdue puisque... Bah non, je tire. Mais non. Non. Tu n'as plus de bail consacré. Non. Tu as... Bah je tape. Le destin est scellé. Je tape avec toi. En revanche, toi, tu as tes paroles, tu as béni l'assemblée. Nous avons donc trois pièces. Mais non, mais moi, jeter. Je pourrais taper avec mon fusil comme chacun ça. Chacun va en jeter une. Un fusil, ça a plusieurs options. Tu peux taper, tirer, jouer, ouais. Face. Oh, triple face. Et nous approchons de... Oui. Nous approchons de concert. Tes prières, moi, je suis tes imprécations, tes comptes. Toi, tu parles plus. Tes contre. Ce qui faire refluer le son ignoble. Que l'homme reconnaisse ses erreurs et se prosterne devant le nom du Très-Haut. Que l'homme arrache sa chemise et la femme rejette ses bijoux. Qu'ils pleurent d'avoir détourné leur regard de la face de Dieu pour adorer le veau d'or. Qu'ils pleurent d'avoir mangé la manne. Qu'ils avaient eux-mêmes fait pousser avec l'aide du démon, plutôt que de boire l'eau claire et les maigres fruits que Dieu leur offrait. Qu'ils pleurent d'avoir laissé le frère devenir un démon et le démon devenir un frère. Qu'ils pleurent d'avoir sacrifié le bouc noir à des fausses idoles. Car alors, le bouc noir reviendra les hanter. Il les prendra et forniquera avec eux et fera d'eux pire qu'un bouc. Et ils porteront en leur ventre son engeance fétide qui viendra se répandre sur la terre. Que l'homme abandonne toutes ses fausses richesses. Car Dieu avait détruit Sodome et Gomorre dans sa grande miséricorde, et l'homme est resté sourd à cet avertissement. Alors il fera chuter Babylone dans le limon plutôt que de la détruire. Dieu a parlé. Nous avançons, Sœurette. Tu avances avec ton bouclier en main. Nous avançons, j'avance dans tes pas, contre toi, à l'abri de ton bouclier. Je sens ta force, celle qui retient ce bouclier en moi, et je vins ma peur. Et je plante ma lame au cœur de la créature qui couine, qui n'en finit pas de couiner. Et enfin, silence bienfaisant se rétablit. Et moi je suis comme ça. Je suis en train de faire. Je suis en train de ramper en rond. Et tu sais. Oh, je suis en train de jouer dessus. Souhaitez-vous apporter un épilogue à ce que nous venons de jouer? Ouais. Nous t'écoutons. Enfin, un épilogue, c'est. Ajouter quelque chose, un élément conclusif. Le vieux bonhomme Piotr arrive et il voit la créature au sol et il dit que c'est non pas juste grâce à l'apprenti que à Julia. Mais il sait que c'est grâce à tous ceux qui ont participé. Tous ceux qui sont ici. Tous ceux qui ont survécu, logiquement. Pas sûr que j'ai pas survécu. Moi, j'ai survécu, j'étais derrière le bouclier. Il est comme ça. Si, j'ai essayé d'apporter la bestiole avec mes balles. Il l'a visé. Au passage. Bah au moins j'ai essayé. C'est ça l'important. Excalibur. Et ma... Tu cries un peu là. Waouh. Ah mon dieu. Non. Et Qualia devient... Enfin, ça fait beaucoup d'années que Qualia est devenue... Est-ce que toi tu veux apporter avant qu'il n'intervienne sur mon personnage, est-ce que tu veux dire ce qu'il advient de Mo? Mm-hmm. Souhaites-tu dire ce qu'il advient... Non, je sais pas en fait. De Suzette. J'ai pour Suzette. Oui. Et Suzette finit de boire son verre. Donc, Non. Qualia devient... Tu vois comme un cochon aussi. Merci. Qualia est maintenant... plus apprenti, mais maître. C'est devenu un maître. Oui. Et vous êtes resté auprès de moi. Oui, on est tous restés. Tu es resté auprès de moi, Sœurette. Bah oui, oui. Et toi, tu as protégé l'ordre pas... des cueilleurs d'arbres de tes prières. Resté à vos côtés, j'ai cheminé dans la voie de Jésus-Christ. Bien plus loin. Mais tu as répondu notre souvenir ailleurs. Plus que votre souvenir, j'aurais répondu. Votre choix, celui d'avoir honoré Jésus. Ah bon? Et son fils, bébé Piotr. Ça expliquerait tout. Fin. Alors, c'était pas nécessaire. Ah bon? Maintenant, je veux bien que vous me livriez votre ressenti. Est-ce que cette partie de la session vous a plu? Ça m'a fait peur. Moi, peur. Moi, ça m'a fait peur, le monstre. Mais sinon, j'ai bien aimé. Moi, ça m'a plu. Dis-toi que c'est le cousin machin, avec du vent et chaud. Bah, je veux plus voir le cousin machin. Mais c'est le cousin machin, il est gentil le cousin machin. Oui, il voulait te faire un câlin, c'est tout. Non, tu vois, c'est les cousins machins, ils avaient des massues, ils étaient en train de se passer. Est-ce que vous avez ressenti une tension entre la prise de parole, la volonté que vous aviez de participer à cette conversation, d'être avec les autres, et la nécessité de rester silencieux? Alors, moi, il me suffit de parler au nom de Piotr, ce qui a fait que j'ai joué. Oui, t'as parlé Glocko, c'est de la triche. Oh. Ben non, c'est pas de la triche. C'est pas de la triche, c'est l'une des injonctions du jeu. C'est de parler plus on parle, en fait, de Piotr, plus on a de chance de... En fait, au final, peut... c'est la pièce qui a décidé. On peut fort bien la pièce. Ne c'est parler que moi. De Piotr. Ah, moi, je ne parlais que de Piotr. Oui, mais je veux dire, si le hasard ne s'en était pas mêlé, on aurait pu très bien attendre toute la nuit Piotr sans rencontrer Dushany. Bon, moi, j'ai fini mon verre de lait. Hein. Enfin, c'est... Au départ, mais j'ai déjà fini à vitesse grand V. Oui, mais tu l'as pas fini pendant... Il y avait plus d'enjeux. Oui, c'était... Justement, je t'ai demandé à la fin s'il y avait un enjeu, si je buvais. Parce que j'étais assoiffée en même temps. Alors, j'avais oublié de boire à ce Est-ce que cet aspect, cette mécanique a joué pour vous? Est-ce qu'elle a créé une tension en tant que joueuse à la table? Non. Tellement, du coup, puisque je parlais qu'au nom de Piotr, donc moi non. Bah, moi je m'en fichais un peu, je me suis dit, on fait le combat et puis basta. Alors, ça a pas créé de tension, mais ça a créé une autre dynamique qui faisait que, ben en fait, j'ai associé Piotr avec la parole de Jésus-Christ. Oui. Et que donc, en fait, j'étais vraiment dans mon rôle plutôt qu'autre chose. Donc ça a apporté le jeu dans la direction de l'évocation de quelque chose d'habité. Amen. Amen. Et As-tu quelque chose à ajouter? Non. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, à préciser sur... Cela t'a convenu, la partie? Moi, j'ai un truc à ajouter. Oui. Donut. Ça n'a rien à voir, mais donut. Alors. Yes. Merci. Cet hypogée au cœur de la Montaou. Est habité. Les lumières autour de toi, lapin, fluctuent. Elles ne fluctuent pas à raison des nuages qui passent dans le ciel, des sautes d'énergie qui affectent le réseau que chérissent tant les chroniqueurs, les mémographes, ceux qu'habitent le savoir. Ta peur t'a conduit au détour des tunnels, des couloirs, des coursives. Tout semble découpé. Tout est étranger. plaque béton rétro-éclairée par de grandes pièces qui inondent des baies de sodium. Des opercules fermés par des plaques de tôle depuis longtemps rouillées qui ont craquelé la peinture. Et partout sérigraphiées le long des murs et des coursives, les lignes continues et des lettres. Les lettres t'échappent-elles ou appartiennent-elles à tes connaissances, lapin? Lis-tu ou grignotes-tu le monde qui est autour de toi? Je lis pas vraiment, mais je sais lire. Je lis pas, mais je sais lire. En fait, je n'aime pas lire, mais j'ai appris à lire. Qui revient sans cesse, c'est deux lettres sérigraphiées qui sont de la hauteur de ta tête, mais bien au-delà. Juste au premier niveau de ce que tu devines être le couloir dans lequel tu t'es réfugié. R, G. Et autour de toi, des bruits, des sons, des mouvements, mais qui n'appartiennent pas au registre du vivant. Ou le vivant d'avant, peut-être. Peut-être que cette pierre elle-même, ce métal, tout cela vit ensemble. Est animé d'une vie propre. Cette créature qui t'a pourchassé jusqu'au tunnel, au creux de la montagne, puis au-dedans même de la montagne, dans la cité enfouie du temps jadis, dans ce dédale de coursives, tu sembles lui avoir échappé. Juste les bruits, ces bruits, ces sons, ces chants du lieu qui t'entoure. Le béton froid sous ta main. Sous ta main gauche, que tu as reposée sur la paroi, pas celle qui tient ta massue, l'autre, alors que à tâtons tu cherches à deviner ce qu'il y a au détour de cette coursive. Tu sens quelque chose, une matière qui n'est plus le rugueux béton usé, qui n'est pas la froide tôle ou le métal, mais quelque chose de chaud. Je retire ma main. Au-dessus de toi, le puits de lumière, cette lumière oscillante, la main gauche, les ténèbres dans une alcôve. Encore les échos des dires obscurs de ce fabuleux guerrier qui a surgi au détour de la coursive. Tu sais qu'il n'est pas loin, qu'il pourchasse Tayad, les créatures qui se coulent dans le ventre de Meshgoriou. Il y a une petite lueur dans les ténèbres, une petite lueur jaune qui émerge de la masse ténébreuse de cette alcôve. Est-ce qu'elle se rapproche ? Elle est statique. Une lueur jaune fixe. Et de cette alcôve, au lieu de la froideur des murs alentour, émane une chaleur. Pareil à la chaleur d'un corps. Une chaleur qui irradie au dehors de l'alcôve, qui se répand, que maintenant tu perçois. Maintenant que tu es immobile. Que fais-tu ? Vraiment pas loin, le guerrier. Tu sais qu'il est proche. Tu as couru, mais tu n'as pas retenu les détours que tu as empruntés. Tu as couru, mais ce lieu échappe à ton entendement. Ce n'est pas le bois, ce n'est pas la plaine. Ce n'est pas la garenne que tu cours habituellement. Il n'y a aucune des odeurs qui te sont familières. Juste l'odeur du béton lépreux. Une vague odeur de champignons. Une température fraîche comme à l'abri des arbres. Cœur de la saison chaude et sans la moiteur. Et partout ces bourdonnements qui ébranlent l'air. De lui, tout est bleu. Des lueurs qui palpitent, qui s'animent. Un vague souvenir, peut-être du temps des alcôves. Une odeur de plastique chauffé, l'odeur des circuits de cuivre parcourus par les dieux du cercle, le flux que 2 puissance 16 cherchent à rétablir. Ici il est présent, Elf nous parle, Elf te parle. Tu as cette combinaison qui épouse ton corps. Elle est imprégnée de ton propre sang là où le scalpel a entamé tes chairs pour en ôter le caroncule étranger. J'ai dit que elle s'était tue comme Waté lorsque le avait retenti de la gorge écrasée de la créature. Mais en dehors du plastique chaud, il y a une autre odeur qui monte, des effluves qui montent à tes narines. Tu sens intuitivement que cette odeur appartient à ton passé, qu'elle est liée intimement à ton passé, que si tu suis cette odeur, peut-être que tu lèveras le voile qui s'étend sur 24. Mais dans le même temps, cette odeur se tient au-delà du sas ou ne se tient pas. Ou ne se tiennent pas deux des silhouettes localisées dans ton dernier échange avec Elf. Et tu sais que l'une de ces silhouettes c'est le dernier rapport en date d'Elf, intrus éliminé. Zeno éliminé. Le message était ambigu. Tu ne sais pas sur quelle zone il portait. Celle où tu te tenais avec Siobhan ou celle se tenant au-delà du deuxième sas. Que tu te laisses guider par ce vague souvenir, ces vagues odeurs, ou t'approches-tu de la zone où tu supposes peut-être qu'Elf avait apposé la mention Xeno éliminée. Encore une fois, peut-être n'est-elle que la pièce où tu te trouves. Tout était beaucoup plus simple dans les alcôves. On se connectait à un terminal. Le lecteur identifiait l'impétrant et on accédait à la base de données et on traitait les données pour l'alcôve. Là, l'accès est chaotique. Et l'énergie que tu avais ressentie, ce flux rétabli, celui qu'appelle de leur vœu l'ensemble des chroniqueurs et chroniqueuses, semble s'éloigner, refluer, s'amenuiser. Dans la pièce où vous vous trouvez avec Siobhan, il y a des pupitres pareils à ceux des alcôves. Des pupitres identiques avec des lectures optiques, des lecteurs. Tu vois ces yeux dormants rouges en attente de sollicitation. Et des écrans éteints en veille, la vague lueur de veille manifeste. Il y a toute une série d'automates à ta disposition. Toutefois, tu sais aussi que dans l'alcôve, ceux-ci ne s'animent que pour ceux qui ont le niveau d'accréditation requis. Les l'annotation RG n'évoque rien pour toi immédiatement. Si, peut-être. Peut-être que si tu écoutes tes souvenirs. Si tu laisses en toi les souvenirs affluer, peut-être que tu trouveras des réponses. Mais tu sens que entendre ces réponses, ce sera un peu plus éteindre ce qui court en toi là actuellement. Tu sens une chaleur là où c'est pas une douleur, juste une chaleur, une douce chaleur à ta hanche. Là où le scalpel a joué, ce n'est plus la douleur. Elle a été présente. Il y a eu l'engourdissement qui a permis au caroncule de se développer. Puis il y a eu la douleur du scalpel rompant tes chairs. Et maintenant, c'est simplement une chaleur qui palpite. Et oui. Elle adopte le rythme même de l'une, non, de plusieurs des loupiottes de veille autour de toi. C'est exactement le même rythme. Du moins, de ce dont tu peux juger. Ça semble suivre la même révolution, le même cycle, le même battement. S'anime et s'illumine. Tu vois apparaître RG. Les lettres se retournent et forment Retro Combination Group. La lumière s'est éteinte. Tu as vu projeté sur le mur en face de toi Retro Combination Group. Sur l'écran, tu vois une coursive. Dans la coursive se tient un gamin, hagard, crasseux. Il a les doigts aux ongles noirs, noirs de boue, de crasse accumulée dessus. Les cheveux hirsutes en bataille qui émergent d'une capuche informe. Et derrière lui se tient une silhouette encapuchonnée, une main blafarde toute proche de sa tête qui s'en approche très lentement. Les images sur l'écran de contrôle qui s'est animé sont lentes, saccadées. Je prends ma massue et je tape derrière moi parce que j'ai vu le truc. Je me dis, tapez. Et tu fais appel à ta force vive qui est en toi? Oui. Rien ne résiste à ma massue. Ah. Donc... Ah. Ah non, non, non, ma force vive qui est en moi. Toutes tes forces. Tu tapes de toutes tes forces pour fracasser ce qui se tient près de toi. Et là, au final, c'était... 4. Alors non, c'est une somme que tu fais. Ah, 4, 2, 2. Mais ça fait 8. Yes. J'aurais dû faire 4, 4, 4, 4. Attends, c'est quel dé? Un seul? Il en a combien? 4, 4, 4, 2, 2. Ah, et bah c'est la même chose. Donc là, ça va jouer. Donc tu donnes de ta massue et rien ne résiste à ta massue, c'est ce que tu te dis? Oui. De fait, lorsque ta massue s'enfonce derrière toi, elle vient percuter le mur de béton. T'es parcouru d'une décharge vive qui se transmet jusque dans tes os. Tu en lâches ta précieuse massue, ta vie. Tu la vois tomber à tes pieds et... Attends, si c'est je crois... Je suis dans les coursives, c'est ça? Tu es sur le sol à t'agiter. J'ai été tasée, tu vois. T'as été tasée, je crois. Tu as vu un vif éclair parcourir la scène, illuminer l'écran. Un éclair qui t'est plus que connu. Tu pourrais même dire le modèle pour l'avoir porté sur toi quelques instants auparavant. Non. Quelqu'un d'autre. Et tu as vu le gantelet se poser sur la massue. Ok. Tu vois un masque. Il y a un deuxième chronique. Noir. Avec des yeux rouges. Ok, c'est lisant. Se pencher sur toi. Je sais pas. En même temps, tu l'as attaqué. Enfant des limbes. Tu oses porter ta main sur le créateur. Ok, j'arrive. Là, tu entends cette voix. Tu l'entends. Elle t'est familière. Non. Elle est... Je dis rien, c'est ça? Le tape pas. Je dis rien. Elle est détimbrée. Elle résonne comme les bruits. Tu fais quoi? Que fais-tu? Tu sais pas. Tu es comme le lapin saisi devant la gueule ouverte du renard qui s'apprête à le dévorer. Tu vois cette silhouette très grande, mais de fait, il est tout maigre. Aussi maigre que toi. Tout est flanqué. S'il vous plaît, me faites pas de mal. Je croyais que c'était un monstre que je me suis fait attaquer tout à l'heure. Approche à la lumière, enfant des limbes. Je marche. Tu peux repérer les coursives. Tu peux y être très rapidement. Non. Tu poses ta main sur la porte qui s'ouvre à son contact. Quand tu poses la main, tu sens une chaleur. Okay. Une chaleur comme serait celle d'une autre main. Okay. Et tu sens la main se refermer sur c'est toi. Qui c'est quoi ce truc? Tu sens la main comme ça se refermer sur toi. Et tu sens ses mains qui te tiennent, qui tiennent la tienne. Jeune aspirante, oui. Il ne faudra pas oublier ta naissance. Tu as pour te souvenir la marque sous ton œil. Oui. Ce sont tes marques de naissance. Tu es né ici. Oui. une dormeuse. Tu n'as pas vu que cette marque au fond. Tu as avant tout cette marque de naissance. Souviens-t'en, tu appartiens aux élus. Tu appartiens aux élus et tu dois contrôler le signal. Tu dois contrôler le signal. Tu dois relayer, ma fille, le signal. C'est... Tu as posé la main sur la platine. Et là, c'est Siobhan qui... Oui, oui. Ça va ? Ça oui, va ? Oui. Vous étiez toute chose ? Non, c'est bon. Vous avez perdu connaissance ? Oui. C'est bon. Vous étiez au sol, vous parliez d'un enfant qu'il vous fallait protéger. Vous aviez dit qu'il était en grand danger. Savez-vous où il se trouve ? On peut le rejoindre ? Oui. Oui. Lorsque tu as ressenti la chaleur, c'est lorsque ta main est entrée en contact avec la platine. Et là, ce que tu voyais, c'était le visage de Siobhan. Mais pourtant, tu entendais la voix, tu sentais la proximité de cette personne qui t'a dit « ma fille ». Mais c'était pas Siobhan. C'était pas Siobhan. Mais c'était quelqu'un de beaucoup plus âgé que toi. Tout décharné. Et il y avait cette même odeur, cette chaleur de plastique. L'odeur que dégagent les circuits. Normal, il y avait la main qui te donnait la tienne. Un biscuit, oui. Et l'autre. Je suis un gâteau qui sort du four. Tu te souviens très distinctement que le pouce n'était pas un pouce. C'était un membre artificiel en acier. Ok. Enchâssé dans la chair, toute boursouflée, avec les tendons reliés à des pistons. Ok, on y va quand même. Mais pas de visage. Et tu as comme réminiscence, comme souvenir, le signal. Ou pas. Saroma. Soma. Tu es dans la coursive, tu cherches celui que poursuivait la créature. La créature qui est venue souiller ces lieux. La bête d'Ariman. La bête d'Ariman, et tu trouves une créature vêtue d'une grande houppelande noire qui lui tombe sur les épaules à la manière de ces nécrophages du savoir d'antan. À ses pieds est étendu sur le sol le jeune gamin qui avec toi a affronté la créature. Arrière, bête d'Ariman. Arrière, te dis-je. Se tourne vers toi. Arrière! Et sa voix se répercute dans le couloir. Tu vois grésiller dans sa paume. Stop. Je me saisis de mon épée. Je lui coupe je lui sectionne la main. Et pour ça, j'engage mes quatre phrases. Mais pourquoi? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de violence? Tu t'en jetteras un quatrième, hein, ce sera plus simple. C'est tellement violent, c'est tout. Pas du tout. 8, 12, 6, 9. Ok. Et je relance le. Voilà, le truc pour savoir si t'as pas une, une souffrance, mais je l'emporte. Donc. Bah, tu vas me dire ce qu'il advient de cet être qui se tenait devant toi. Et tandis que sa voix se répercutait, le sang, la lame, tout cela pour Spenta, pour Ormax, pour mon maître, se déchaîna en un instant et il perdit son bras. Alors la bête, nécrophage d'Ariman, Daeva perdue, se mit à hurler et bien que le tout paraisse robotique, on entendait déjà la souffrance humaine, tout comme l'attestait le sang. Humain perdu dans les voies d'Ariman, qui semblait désemparé et pourtant ne semblait fuir, et semblait exulter, et semblait me dire à moi, Soma, que d'autres menaces m'attendent, que d'autres séides plus grandes encore sont à mes trousses ou bien sont dans cet étrange complot, dans cette intrigue, dans ce combat qui me paraît dénué de sens si ce n'est celui de servir mon maître, mais où je ne vois pas grand chose, comme l'impression que il n'est qu'un de ces idées que tous sont agencés pour nuire, que tous me nuisent et conspirent à me nuire. Et si la bête se tient là, c'est forcément pour essayer de m'indiquer qu'il n'y a pas autant d'espoir, il n'y a pas de destinée autre que celle, enfin, destinée aussi claire que celle que je voyais. Donc, il faut que je fasse une phrase, du coup. Ou... Donc, si j'ai bien compris, je suis au sol, en train d'imaginer une histoire. Tu as senti une vive douleur irradier ton corps. Et le grand guerrier a surgi de rechef et a étendu de tout son long celui qui t'avait menacé, torturé, brûlé des dieux du cercle. Il gît maintenant, baignant dans son sang, parcouru de la même énergie qui t'a irradié. Tu vois les circuits, le plastec se répand et grillé sous les effets de son sang qui se répand à tes pieds. L'alcôve de laquelle il a surgi est ouverte maintenant. Une grande pièce où reposent de petites alcôves éclairées de lumière. Une seule parmi toutes ces alcôves ménagées dans un mélange de métal et du même plastique qui orne les huisseries de toute la cité épogée. Et éclairée d'une vive lueur. Elle est ouverte. Les autres sont soit scellés, soit vides. Pourtant, il y a des trous dans certaines. Il n'y a que des alcôves vides ou des alcôves scellées. Et en haut à gauche du panneau, sous le logotype RG, figure un numéro. Lesquels ? Des numéros d'ordre. Cela va de 1 à 120. La 6, la 24 sont vides. Et c'est laquelle qui a allumé ? Quel numéro ? La 6. Et elle est vide. Elle est vide. Et non loin, la 24. Dans la 24, il y a une petite lumière qui clignote. Une petite diode rouge qui s'agite. Ok. Encore un chroniqueur. Papa, les deux mains avec une sanglante avec les petits pointillés en mode disparu. Et derrière, j'essaie de faire la tête d'un chroniqueur un peu sombré. Mais je l'ai un peu raté là. Bon, je pense que passer du coup au débrief. Et en 1913, est-ce que vous avez des commentaires à faire sur ce que nous venons de jouer ? On a joué brièvement, on a joué trois instances seulement, enfin une instance chacun. Moi, ça m'a plu. Bon, juste que j'ai dû reformer les phrases parce que j'avais mal conservé, mais ça m'a plu. Moi, j'ai bien aimé. Moi aussi, j'ai bien aimé. Et j'ai fait un beau dessin. Et j'ai fait un dessin en plus. Il est rigolo. Merci. Et le mien, ça part en n'importe Donc, quoi. Ça t'a plu, Xavier ? Oui. Ouais, il y a du niveau encore. Mais ça va, hein. Je trouve ça que va, tu t'es amélioré. Mais il y a la précision qu'il faudrait gagner. Non, moi aussi, c'est pas terrible. Sans le formuler comme une exigence, est-ce que. Alors, tu peux choisir ce que tu veux comme support, comme moyen d'expression. Oui. Ce serait pas mal que pour la fois prochaine. Tu imagines des éléments de ta vie dans l'alcôve pour les mettre en jeu. Oui. D'accord ? D'accord. Tu peux les, tu pourras les développer en fonction de ce qui se passera dans la fiction, mais te donner des pistes. Alors ça peut être, tu peux dessiner des petits éléments à ton choix, hein, ou écrire des petites phrases ou des mots clés. Essayer d'imaginer ce qu'a été ta vie dans l'alcôve. Oui. Ah, merci.